Livre second. En arrivant à Auxerre, Edmond y trouva tous les jours qui étaient venus au-devant de lui à cheval. « Comment se porte mon père ? » s'écria-t-il en embrassant son camarade. « Bien, bien, » répondit le jeune homme, qui ne savait pas le secret. « Il est hors de danger, je respire. »« Hors de danger, il n'a pas été malade. » Edmond ne sentit qu'un mouvement de joie à cette heureuse nouvelle, et quoiqu'il fît un retour fâcheux sur les motifs de son rappel, il nous l'a juré, il ne sentit que sa joie. Il partit en sortant du coche, sans s'arrêter une minute. En chemin, il ne s'entretint avec tous les jours que de l'état de la maison et des travaux. Quand ils eurent fait environ 4 lieues, et qu'ils furent proches du bois de la Provenchère, où le chemin se partage en deux, tous les jours, qui allait un peu devant, prit à droite. « Ce n'est pas le chemin de Nitry, » lui cria Edmond. « Je le sais bien, mais le cousin, votre père, est à Sacy, où il vous attend chez M. Dondaine, son compère. » Ce M. Dondaine était un Richard de Sacy, homme d'un grand bon sens, laborieux, économe, entendu, et qui ne devait l'espèce de fortune dont il jouissait qu'à ses bras, à son intelligence. Dignes et honorables moyens d'amasser des richesses, mais cet homme était dur, d'une figure rebutante, et d'une force qui passait pour prodigieuse, même dans son pays où tous les habitants sont des chevaux. Les défauts de Thomas Dondaine étaient pourtant moins les siens que ceux de sa patrie. La grossièreté, la dureté, y sont comme innés, ce qui vient, je crois, de deux causes. De l'air épais qu'on respire dans le village, situé dans un vallon, marécageux les 3/4 de l'année, et du contraste subi qu'éprouvent les habitants dès qu'ils en sortent, en allant travailler à leurs vignes et à leurs champs, situés sur des collines où l'air est dévorant, et d'une vivacité si grande que les Saxiates mangent ordinairement en pain le double d'un homme des villages circonvoisins. On voit par là que les gens de ce bourg ne sont pas aimables, mais ils ont tant d'autres qualités que lorsqu'on les connaît, on ne saurait s'empêcher de les estimer et de les regarder avec une sorte d'attendrissement, car ce sont aujourd'hui les hommes les plus laborieux de tout le monde peut-être. Edmond connaissait Thomas Dondaine. Il ne l'aimait pas. Il savait que cet homme avait 3 filles. Son père était chez lui, il se portait bien. Il l'y attendait. Son cœur se gonfla. Il craignit quelques catastrophes. Arrivé sur le terrain âpre et stérile de Sacy, la vue de ses champs blanchis de pierre et brûlés par le soleil, les cris sourds et inarticulés des pesants laboureurs qui luttaient contre la nature et la voulaient forcer de les nourrir, jetèrent dans son âme une tristesse et un abattement qu'il n'avait encore jamais éprouvés. Edmond arriva dans le bourg de Sacy, brûlé par la soif, et sentant déjà l'influence du climat pour l'appétit, car dans ce pays seul peut-être, l'amour et la douleur ne seraient l'ôter. Dans une chenevière, à l'entrée du bourg, étaient 3 filles épaisses, l'air homasse, qui cueillaient le chanvre. Leur activité, leur ardeur au travail, leur force à transporter les masses étonnèrent Edmond. Il dit à tous les jours, « Elles ne sont pas belles, mais cela fera de bonnes ménagères. » En entrant chez Thomas Dondaine, Edmond y trouva son père. Au bout de 3 ans, il en fut reçu avec la sévérité accoutumée. « Vous vous êtes fait attendre, mon fils. La nouvelle de votre maladie m'a saisi, mon cher père. Je veux croire qu'il n'y avait pas d'autre motif. Celui-là était bien suffisant, et je bénis le ciel de vous voir en pleine santé. » « Et fort gai, » dit Thomas Dondaine. « Mais, compère, voilà un fils bien damoiseau pour labourer nos champs pierreux. On va quitter tout cela. » Il était impossible de rendre le grossier langage de Thomas. Le patois de ce pays répond à l'âpreté du sol et à la figure des hommes. Il est sourd, grossier, informe, tandis que le parler de Nitry est délicat, sonore, ce qu'on pourra facilement comprendre quand on saura qu'on y fait sonner les voyelles nasales à la manière des Grecs, qu'on y prononce tous les mots avec une sorte d'accent léger, délicat, et qu'on y parle le français presque pur. Le bourg est situé sur une plaine élevée au-dessus des collines de Sacy, et l'air, qui n'est pas rendu trop courant par les vallons, y est pur, sans y être aussi vif. « Je vous ai mandé pour vous marier, mon fils. Au lieu des coquettes perfides et corrompues des villes, je vous donne une fille vertueuse, qui ne chérira que son mari. Vous auriez peut-être eu plus de goût pour une jolie porteuse de Fontange, mais je vous défends d'y songer. Il ne veut pas recevoir de votre part la moindre objection, ou ma malédiction est toute prête. Je n'ai pas encore demandé comment se porte ma mère, répondit Edmond en tremblant. M'obéir doit être votre première pensée. Pour votre mère, elle se porte bien, et compte sur votre obéissance à nos volontés. Je vous parle ainsi parce que vous n'avez pas encore vu celle que je vous destine, avec la grâce du compère, qui a bien voulu par amitié pour moi vous agréer pour gendre, avant même de savoir si vous lui conviendrez. « Que c'est bien parlé, ça, » dit Thomas. Allons, femme, dit-il à son épouse, courez chercher vos filles, qui sont à la Chenevière, et qu'elles viennent tout de suite. Ce garçon-là a chaud, et doit avoir bon appétit, sans parler de la soif. Il voulut verser un verre de vin à Edmond, mais ce jeune bourguignon n'en avait pas encore bu. Suivant l'usage d'alors, ni la jeunesse ni les femmes ne buvaient de vin, si ce n'est les mères de famille, passées 40 ans, qui rougissaient un peu leur eau. Auparavant, même en couche, elles ne goûtaient pas de vin. Edmond remercia. « Donnez-lui du lait, dit son père, il le préfère au vin. » Comme Edmond achevait de boire, les trois filles de Thomas Dondaine entrèrent avec leur mère. Marie, l'aînée, était la moins aimable de figure, mais sa physionomie annonçait la bonté. Quel changement pour Edmond! Son père le présenta à Marie comme celui qui, dans 3 jours, devait être à son ban, car les préparatifs étaient faits. Cette fille modeste rougit, et quoiqu'elle trouvât son futur à son gré, elle dit à son père, « Mon cher père, c'est bientôt, non que j'ai rien à vous objecter contre ce jeune homme sage et estimé de tout le monde, mais encore faudrait-il se connaître, et qu'il sût du moins, lui, si je lui conviendrais. L'obéissance, à mon égard, doit m'interdire toute réflexion, dès qu'un père a parlé. Mais je crois que pour l'homme, il n'en est pas tout de même. » Un « taisez-vous » durement prononcé fut la réponse de Thomas. « Vous entendez nos volontés ?» dit Pierre à son fils. « Oui, mon père. Je n'y veux point d'obstacle. Mon père, je serais bien malheureux et bien indigne d'être moi-même père un jour si j'apportais de la résistance, dans une occasion comme celle-ci, qui est le plus haut et le plus suprême exercice de la puissance des pères. À la mort comme à la vie, je vous obéirai, ainsi qu'à ma digne mère. Commandez, et ne vous embarrassez pas du reste, car il n'est pas possible que vous ne soyez obéis. » Voilà de grandes phrases, mon fils, dit Pierre en souriant un peu. On apprend au moins à la ville à répondre honnêtement. Fit-on les choses contre son gré? On se mit à table. Après le dîner, le père et le fils partirent pour Nitry. Dès qu'ils furent hors du bourg, Pierre, contre son usage, fit aller son cheval à côté de celui de son fils. « Mon garçon, lui dit-il, voilà une nouvelle carrière où tu vas entrer. L'acte d'obéissance par lequel tu y entres te fera bénir de Dieu et estimer des hommes. Compte, mon fils, que tu seras un jour honoré de tes enfants, comme tu honores ton père. » À ce langage touchant, que jamais Pierre ne lui avait encore tenu, Edmond saisit la main de son père, et l'œil en larmes, il lui dit, « Je vous fais un cruel sacrifice, ô mon père. » « Bon, des catins, tu n'y penses pas, elle t'avait ensorcelé. » « Ah, mon père, si vous la connaissiez, si vous connaissiez son digne père. » « Ne parlons pas de ces créatures, dit Pierre, avec un ton bon et familier, qu'il n'avait jamais pris avec Edmond. « Je vous obéirai, mon père, dussé-je en mourir. » « Ce ton langoureux me déplaît, dit Pierre en fronçant le sourcil, qu'on ne le prenne plus. » Et au bout de quelques moments de silence, il parut s'attendrir. Il reprit la parole en ces termes. « Mon cher ennemi, mon cher fils, te voilà prêt à entrer dans le mariage. N'imite pas ma conduite, elle n'a pas été bonne. Elle sera meilleure si Dieu me prête vie. Je suis en train de terminer une affaire, avec nos moines de Molème, dans laquelle je te mettrai de moitié. Ce sera la consolation de ta mère. Elle mérite bien que j'y travaille enfin. Une fois marié, tu es mon ami et mon égal. Nous ne serons plus père et fils que par un plus tendre attachement, une plus grande indulgence l'un pour l'autre. » À ces mots, Edmond, suffoqué, se jeta à bas de cheval et baisa les pieds de son père, qui, touché de cette action, descendit aussi et, jetant les deux bras au cou de son fils, lui dit, « Je t'ai toujours aimé, ô mon fils unique, et je te veux l'état de bon père de famille de campagne, plutôt que de bourgeois des villes. C'est une vie plus patriarcale. » Sans Rose, qu'Edmond aurait été heureux de retrouver enfin dans le plus rude des maîtres le plus tendre des pères. Ils continuèrent à marcher, tenant leurs chevaux par la bride, tandis que tous les jours les devançaient pour aller annoncer leur arrivée à la bonne Anne Simon. « Que seras-tu devenu à la ville ? Un bon citoyen, je le veux. Mais tes enfants loin de ce pays, notre berceau, confondu avec la foule des citadins, auraient bientôt perdu le souvenir de notre origine. Tu la connais, monsieur l'avocat rectif m'a dit qu'il t'en avait touché quelque chose. Tous les hommes sont fils d'Adam, je le sais. » Mais il n'en est pas moins glorieux de sortir d'où nous sortons. Le nom de Rétif n'est qu'un sobriquet, mais il est si ancien qu'il a fait oublier le vrai nom, surtout à présent que depuis les malheureuses guerres de religion, nous sommes dépouillés. Mais ce m'est une consolation, et s'en sera un jour une pour toi, de revoir ces pays où notre famille est encore si chère et si respectée. Villiers, Aigremont, Courtenay, je ne vous revois jamais sans attendrissement. Ne quittons point ce siège natal. Ne nous établissons point dans les grandes villes, jouissons à perpétuité, y renouvelons sans cesse l'attachement et la considération qu'on a eus pour nos ancêtres. Du côté de ta mère, tu tiens à ce qu'il y a de mieux dans la province. Je l'ai préférée par cette raison. Elle m'a préférée. Elle est à cause de mon nom que mon père, mon digne et respectable père, avait rendu vénérable. Tu sais comme on l'appelait, l'homme juste. Quel nom ! Un de nos parents y a succédé à ce nom. Il n'est pas sorti de la famille. Ces titres de noblesse valent mieux que ceux qui sont perdus, mon fils. Ils valent 100 fois mieux. Et s'il faut te parler vrai, je méprise tous ces vieux parchemins, souvent plutôt l'ouvrage de l'intrigue que la récompense de la vertu des ancêtres. Que de nobles, dont les pères ne furent que d'avides oppresseurs. Je parle de l'ancienne noblesse. Quant à la nouvelle, quant à ces publicains qui achètent, s'ils sont utiles à l'État par la finance qu'ils donnent, à la bonne heure. Mais c'est acheté à bon marché, ce qui ne devrait être que la récompense de l'héroïsme en tout genre. Mon fils, nous sommes aujourd'hui roturiers, et je m'en félicite sincèrement. Le roturier est homme par excellence. C'est lui qui paie les impôts, qui travaille, ensemence, récolte, commerce, bâtit, fabrique. Le droit d'être utile est un pauvre droit. Ne le regrettons pas. Tu as vu ces gentilshommes chasseurs de la Puisaye, en guêtres, en souliers ferrés, portant une vieille éperrouillée, mourant de faim et rougissant de travailler. Voudrais-tu être à leur place ? Non, mon père. La classe du milieu, la classe précieuse, si chérie des bons rois, voilà celle où je désire de vivre et de mourir. Mon cher père, vous et le respectable monsieur Pombala, vous avez tous les deux les mêmes idées. Oui, mais il voulait te fixer à la ville. Dis-moi, notre postérité, bientôt confondue dans la populace des villes, que sera-t-elle devenue ? Restons ici, je le répète, tout y est plein de nous, tout y rappellera notre honneur. Cela n'est quelquefois pas inutile. Monsieur Pombelin, cet homme si bon, était ton plus cruel ennemi. Mon cher père, je vous obéis. Ne dites rien contre cet homme que vous chéririez, s'il vous était connu. Ne dites rien, je vous en conjure par votre titre de père, contre une fille que n'est-elle en cet instant ma quatrième sœur. Les larmes coulèrent à ces mots. Et comme si Pierre eût déposé depuis son dernier discours toute sa fierté naturelle, il dit à son fils « La sensibilité honore les belles âmes. Tu pleures, mais tu m'obéis. Je ne suis point un tyran. Je n'ai qu'à te louer, et je te loue. Mon fils, ton bonheur futur pour ce monde et pour l'autre dépend de cette circonstance importante. Ton obéissance te donnera de bons enfants. » Et prenant un air inspiré, comme si ce cher homme eût senti qu'il était près de sa fin, il dit avec force « Ennemi, maudit soit le fils ou la fille qui n'honore pas son père. Béni soit le fils et la fille qui obéissent aux dépens de leur cœur. Le ciel les bénira. Et toutes les peines du mariage leur paraîtront un jour légères, quand ils se diront dans leur conscience « J'ai obéi, mon Dieu, je vous ai obéi dans votre noble image, dans mon père. Mon cher fils, reçois ma bénédiction. Elle est l'effusion de ma joie et de ma satisfaction. Je te la donne et te recommande après moi ta bonne mère et tes sœurs. » Catherine est difficile, supporte-la. Madelon est la bonté même, chéris-la. Marion est étourdie, légère, je crains son caractère, réprime-la. Je te confie mon autorité, comme à mon lieutenant de mon vivant, et mon successeur après ma mort. Pour ta mère, cette digne femme, dont j'ai exercé la patience, je te charge de tous mes torts à son égard. Paye mes dettes et rends-lui en respect, en tendresse, ce que je lui ai fait souffrir en dureté et en impatience. Je n'ai pas été bon pour mon Dieu, mais voilà mon fils, acceptez ce qu'il fera pour moi. » Il est impossible d'exprimer, nous a dit souvent mon père, ce qui se passa dans mon âme à ce discours d'un père si haut et si fier, et devenu si tendre. J'étais enivré, j'aurais épousé le plus hideux des monstres, je l'aurais adoré si mon père me l'avait commandé en ce moment. Ce fut dans cette situation d'esprit qu'ils arrivèrent et qu'Edmond fut reçu dans les bras de sa mère. La plume me tombe ici des mains. Ô vénérable femme, son cœur palpitant volait au-devant de son fils, mais ses membres sans énergie la forcèrent à se laisser aller sur une chaise. Ses bras étaient tendus, sa bouche maternelle pleine des plus tendres noms, était entr'ouverte, mais l'expression ne pouvait trouver de passage. Mille et mille voulaient sortir ensemble, et il n'en sortait pas une seule. Heureusement, ses larmes coulèrent, elles inondèrent le fils, méritant qu'elles pressaient contre son sein. Enfin, elle parla. « Pierre, dit-elle à son mari, « excusez si je suis si ému. C'était mon fils, c'est un second vous-même. »« Et un digne fils, s'écria Pierre, bonne mère, et penchez votre cœur maternel sur ce digne fils, il me remplacera dignement quand je ne serai plus. » La surprise d'Anne Simon fut extrême à ce langage inattendu. Elle bénit son fils. Puis, se levant précipitamment, elle courut à son mari pour l'aider à se mettre à son aise, suivant son usage en lui disant « Je ne dois pas tant m'occuper de ce cher fils que j'oublie le père. Allons, mes filles, servez un peu votre frère. Pour moi, voici mon lot, que je céderai jamais à personne, pas même à mes enfants. »